Les temps sont-ils astronomiques? On se regarde et on s'étripe. C'est placé parfait numérique, mais moi je reste analogique. Le téléphone avale mon fric, vu ton courrier électronique. C'est sur internet que je nique, mais ma guitare reste électrique. J'avance à reculons, je retourne en arrière. Les belles technologies regardent mon derrière. Je suis de l'ancienne vague, ma vie est improbable. Mon cœur est imprenable, car j'éteins mon portable. On se regarde en cathodique, on se retrouve aux Amériques. Y'a comme un bug, y'a comme un hic. Les SMS, c'est pas mon trip. À peine en scène, car on se quitte. Car aujourd'hui, ça va très vite. Et qui s'y frotte, ce fibre optique. Moi, je n'aime pas la dynamique. Improbable, mon cœur est imprenable, car j'éteins mon portable.